L'une des grandes questions de l'humanité est celle-ci. S'il y a quelque chose après la mort, qu'est-ce que c'est? Les anciennes civilisations telles que les Égyptiens étaient convaincues qu'une autre vie attendait les trépas et les préparait même à ce long voyage dans l'au-delà, entre autres par la momification et autres rites. Et il s'agit ici que d'un seul exemple. Ici à Réanimation, il y a déjà un bon bout de temps que nous avons la réponse à cette énigme collective. Oui, il y a quelque chose après la mort. Et nous en sommes certains puisque nous avons eu les preuves tangibles. Après la mort, voici ce qui se passe. Nous remanions outrageusement votre corps et organes. Nous vous injectons notre sérum secret de régénération et nous vous branchons sur le malaxeur cervical. Ensuite, si tout va bien, c'est la réanimation. Mais cela se passe rarement bien. Maintenant, ce qui vous attend réellement en détail, vous n'aurez plus aucune espèce d'intelligence, vous souffrirez atrocement d'un mal psychologique, celui de ne plus être vivant, et serez constamment affamé et en manque de viande crue et sanglante. Et pour finir, vous recevrez probablement une balle dans la tête ou serez décapité. Pas parce que vous serez traqué par des chasseurs de zombies, non, parce que Sinistros et moi allons en avoir marre de vous entendre grogner. Donc, suite à cette description, est-ce que ça vous intéresse toujours de vivre ce qui se passera après la mort? Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsqu'il vous annonce que certaines espérances existent, mais qu'elles sont pires encore que votre cauchemar actuel. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, cause Pendragon fucking said so. Go. We'll be right back. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! Bonjour, mon nom est Alexandre Dosti et dans le passé, j'ai eu aussi la chance d'animer l'émission Dans le trafic avec le très honorable Éric Toulouse et le magnifique Luc Bourque. Ces expériences m'ont appris une seule chose. Le média radiophonique universitaire est incroyable. C'est une façon de s'émanciper, une façon de se libérer, une façon de s'exprimer. Toi aussi, tu peux le faire en t'engageant à C'est fou et en montant ton projet d'émission. C'est fou a besoin de toi. Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou@uqtr.ca ou visitez le cfou.ca. Hé, hey, capitaine, j'ai trouvé une carte au trésor. Montre-moi donc ça, mon petit moussaillon. Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière. Vigie! Qu'est-ce qu'il y a? Cap vers les Trois-Rivières! Hé, hey, vous avez l'air de savoir où ça s'en va, capitaine! Ben oui, mon moussaillon. La légende dit que la barrique, c'est LE lieu de prédilection pour les amateurs de bière de microbrasserie québécoise, d'importation et de savoureux produits du terroir. Pis si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 26 février de l'an de disgrâce 2013. Je suis l'informe Dr. Pendragon et mon assistant et acolyte est, évidemment, vous l'aurez deviné, le gobelin Sinistros. Hey, comment est-ce, ta? Assez mal. Ah. Pousse pas ta chance, toi. Pousse pas ta chance, OK. Je te demanderais bien comment ça va, mais ce soir, je m'en fous pas mal. Ah, ben moi aussi, finalement. OK, c'est correct, c'est un code réglé. C'est réglé, on n'en parle plus. Voilà. Nous sommes désolés d'avoir débuté cette émission avec un 6 à 7 minutes de retard. Nous sommes fait jouer un petit tour, donc nous avions malheureusement, nous avons dû faire un petit halt afin de pouvoir entrer ici même dans les studios de la morgue de réanimation. Mais bref, ceci étant fait, ceci étant dit, nous allons continuer musicalement dans quelques instants. Parce que moi ce soir, je l'avais dit la semaine dernière, je fais un spécial Old School Trash Metal. Donc, on a débuté avec ce que je crois être assez Old School Trash Metal, avec la formation Grip Inc. Est-ce que tu connaissais Grip Inc? Non, ben de nom, oui, mais okay. Pas de... Je pense que c'est pas Lombardo que je vois là-dedans. Tout à fait. Formation Defunct qui mettait, je dirais, oui, principalement en vedette parce que c'était probablement le nom le plus connu de cette formation, Dave Lombardo. On reviendra à Dave Lombardo après ton... Ouais. Nomenclature. D'accord, d'accord, Normand. Donc, la pièce étant Hostage to Heaven, c'était tiré du premier album de cette formation, comme j'ai dit, défunte, qui a eu une relativement courte discographie. L'album étant Power of Hidden Strength, qui est paru en 1995 sur Metal Blade. Juste auparavant, nous avions Exodus et l'excellente pièce Brain Dead que l'on retrouve sur Pleasure of the Flesh. Je sais, Sinistros n'aime pas le vocal de Steve Zero, Zetro. Ah, Zetro. On reviendra sur Steve Zetro Souza aussi. D'accord. Moi, je l'aime bien. Donc, Pleasure of Flesh, qui est paru en 1987 sur Combat. Nous avions Testament et la pièce Disciples of the Watch, que l'on retrouve sur The New Order, album de 1988. paru sur Megaforce. Razor, formation canadienne, est la pièce, la très bonne pièce, de l'album Evil Invaders, album qui est paru en 1985 sur Viper. Et nous avions ouvert avec M-Trax et la pièce AIR, pièce d'ouverture de l'album Spreading the Disease, deuxième parution de cette formation trash américaine en 1985 sur Island. Et, c'est pas le meilleur album d'N-Trax, mais quelques sacrées bonnes pièces dessus. Oh, il y a des bons riffs là-dessus. Effectivement. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de Dave Lombardi? Bon, commencer par Steve Zetro Souza. D'accord. Steve Zetro Souza vient de se partir un band avec ses deux fistons. Ça s'appelle Hatriot. D'accord. Musicalement parlant, Hatriot, c'est un thrash metal old school. C'est très bien fait. Très bonne pièce. Moi, j'ai pas trippé parce que c'est Steve Zetro Souza qui chante dessus. Okay. Mais c'est mieux qu'avec Exodus. Alors, je vous conseille d'aller vérifier ça sur Internet. Ou, comment tu l'écris? Hatriot. Dans le fond, c'est comme Patriot, mais okay. Avec un H comme okay. Hate. Okay. Hatriot. Dans le fond, je me souviens pas du titre de l'album, mais il se peut que je vous le présente d'ici une couple de semaines. C'est quand même pas si mal. D'accord. Dave Lombardo, maintenant. Oui. Je sais pas si vous avez entendu parler non, de ça. Pas. Non, moi non plus. OK. nouvelle qui est sortie vendredi matin. Ah non, fait... non. Pas le vendredi matin, j'écoute pas les nouvelles. Bon, jeudi soir. Alors. Ah OK, oui, je m'en rappelle. Oui, je m'en souviens. à l'effet que le management de Slayer oui. aurait mis Lombardo de WOW. Ah oui? Oui. Pour quelle raison? Parce que Lombardo, il a posé trop de questions. Comme on joue à quelle heure on va manger, non? Non. La poutine, c'est qui a fourni? Non. Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas des questions. Apparemment que le management de Slayer se garde 90 % des profits et 10 % vont au band. Bah, ouais, ça peut ressembler à ça. Il a posé des questions à se demander. Qu'est-ce qui justifie ça? Et non, qu'est-ce qui justifie? Je n'ai pas encore été payé lors pour la dernière tournée 2012, que je comprends pas comment ça fait, que j'ai pas eu ma paye encore. Fait que je s'est fait dire ta gueule puis des crixtes. C'est une rumeur, ça? Ou... Ben, apparemment, c'est Lombardo qui l'aurait écrit sur sa page Facebook, Straight Pipe. Ah, ouais. Mais ben, écoute, ouais. Peut-être que ça laisserait supposer, parce que c'est vraiment. Je le dis avec en gras et surligné, c'est peut-être une supposition, mais peut-être que le management ne va pas si bien que ça. Si on a de la misère à payer le staff. Ben, s'ils se prennent 90 % des profits, il y a peut-être un problème à quelque part aussi. Oh, effectivement. Tu sais, on sait maintenant que. Tu sais, à l'époque, tout ce qui était marchandise était généralement du profit, entre guillemets, assez peu pour les formations lors des tournées. Maintenant, c'est plus ça. Là. Tout le monde pige sa cote dans ce qui c'est est marchandise. C'est sûr et certain que Slayer s'est rendu une business, une grosse machine, une grosse fait. Patente. Mais que va-t-il arriver de Slayer maintenant qu'il en reste, on va dire 50 % parce que Jeff Hanneman, il peut pas jouer parce qu'il s'est fait mordre par une... Par une vipère. Par une bébite bizarre, une espèce d'araignée. Mais... Slayer a quand même passé une certaine période de sa vie sans avoir Dave Lombardo. On parle de Paul Bostaff, entre autres, qui aura remplacé Lombardo. Sauf que ça reste que Lombardo, c'est lui qui a le meilleur drumming pour Slayer. Ah, tout à fait. Dave Lombardo, c'est un drummer exceptionnel. C'est parce qu'il y a le son qui vient avec. Il y a le playing qui va avec Slayer. C'est ça. Est-ce que peut-être... Écoute, les gars de Slayer, c'est plus des jeunesses non plus. Ils ont une longue carrière derrière c'est eux. C'est sûr et certain que tu regardes comme Tom Araya, qui a le dos carrément vissé. Exactement. Peut-être que les gars vont... Si c'est le cas, si c'est effectivement ce qui s'est produit ou c'est ce qui va se produire... Est-ce que Slayer décideront de laisser ça là pendant qu'ils sont au top encore? Pourquoi pas? Puis risquer de... Moi, quand un band est au top et tu t'aperçois que ça va moins bien, t'es peut-être mieux de... Arrête ça là. Ah, t'attends pas de faire comme les sultans, là? Ou comme mes têtes gars. Ah, j'ai-tu dit ça, moi? J'approuve l'émotion. J'aurai une chronique cinéma ce soir. Je parlerai de quelques trucs, de quelques trucs à venir et un film que j'ai visionné. Moi aussi, je l'ai visionné. Tu veux pas le savoir, ce que Moi, le disais pas. Je m'en doute. Mais j'ai le contrôle du micro, c'est oublié ça. Oui, c'est vrai. Un film dont j'ai parlé la semaine dernière, que j'étais pour vous chroniquer ce soir, si ce sera effectivement le cas. Petite chronique la semaine prochaine, avant que je l'oublie parce que j'ai la tête excessivement pleine ce soir, je présenterai minimalement la pièce Pitch Black du EP, nouveau EP de Meshuggah, Pitch Black, parce que l'autre pièce est une reprise live. Pitch Black, c'est excellent cette pièce-là, donc je présenterai cette pièce unique nouveauté, si on veut, tirée du EP, mini EP, deux pièces, Pitch Black. Aussi, Bon, ça t'intéresse peut-être pas toi, ça intéressera peut-être pas les auditeurs de pur et only metal, mais j'ai eu une excellente nouvelle vendredi dernier. Pour les amateurs de rock et de metal aussi, je serai à compter du mois prochain le co-animateur officiel de Rock Classic à raison d'un vendredi par mois. Ah, c'est le fun. Je suis très, très heureux. Honnêtement, vraiment, vraiment heureux. C'est le fun de voir leur juste à job un vendredi après-midi pour aller faire de la radio. C'est cool. Ben oui, c'est ça. Puis ben, moi, je suis un amateur invétéré de rock, donc je vais pouvoir le faire. En fait, le Rockmaster Alain m'a. En fait, on a discuté ensemble. Non, non, pas du tout. C'est moi qui a amené la proposition. Je pense qu'il est assez, de façon assez joyeuse. Et puis pour moi, ben, c'est une forme d'honneur de pouvoir. Parce qu'Alain, c'est quand même une sommité vivante là, au niveau de la musique. Là, pis, ah, il connaît tout ça tant que ça? Ouais, pas mal. Il m'en a montré pas mal de trucs. Là, pis, j'y dois beaucoup au niveau de certaines choses que j'ai réexplorées grâce à lui. Pis pour moi, c'est vraiment très agréable de pouvoir le faire. Donc, les derniers vendredis du mois, à partir de mars, je co-animerai Rock Classic avec évidemment ma partie de choix musical. Donc, cette partie-là risque d'être pas mal plate, là, mais en tout cas. Ça changera pas grand-chose finalement. Effectivement, plus ça change, plus c'est pareil. Toi, tu nous présentes quelque chose dans quelques instants, n'est-ce pas? Ben, ou dans plusieurs instants. Ben, on va essayer que ça soit pas trop long. OK. Je t'écoute. Ah, ben oui. C'est une formation qui vient des Pays-Bas qui s'appelle Centurion. Ne pas confondre avec ce que j'avais dit. Centurion, oui. Ouais, c'est pas Centurion, là, c'est Centurion. Formation de Death qui s'est vissée au début des années 90, donc c'est dans les premiers balbutiements du Death. Ils ont arrêté vers fin 90 pour se reformer il y a 2 ans à peu près. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Contra Rationem. Moi, je connaissais pas du tout la formation. Moi non plus, ça me dit absolument rien. Mais j'ai jeté une oreille sur cet album-là puis j'ai trouvé ça excellent. Tu m'as dit que c'est une formation qui venait de où? Les Pays-Bas. Ah, OK. Fait qu'un bon son death metal old school, assez gros, plus ou moins technique, là. Ça fait un job. Ouais, des bons riffs. Bonne voix gutturale. Mais tu sais que les Pays-Bas, depuis un certain nombre de temps, ben, ont un excellent bassin pour le death metal. Ouais. Alors, on aura 3 pièces à tirer de Contra Rationem. C'est sorti sur Listenable Records, qui n'est pas un petit label quand même. Mm-hmm. Les pièces Two Shall to Bleed for the Lord Thy God, Crown of Bones et Feast of the Cross. Bon, on va écouter ça. On aura Amon et Aeon pour se mettre un peu plus de dette sous la dent par la suite. Alors, allons-y tout de suite. Centurion. Go! We'll be right back. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! Hey Jean-René, t'as-tu de quoi de prévu le 1er 2-3 mars? Ben oui, en fait, c'est la Coupe universitaire d'improvisation ici même à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK, ça consiste en... Ben en fait, c'est le plus grand rassemblement d'équipes d'improvisation francophones au Canada. Aïe aïe, OK, c'est cool. Oui, c'est cool. Puis d'autant plus que cette année, c'est présidé par Barack Obama. Ben voyons donc. Oui, il va être là, puis il va arbitrer 3 matchs déguisés en poulet. Ben voyons donc. Ah oui, puis son entrée, il va rentrer sur Amazing Grace avec un jet privé qui va être conduit par Bill Gates. Ben voyons donc. Le Barack va sauter. T'es-tu sérieux? Oui, tout ça commandité par Apple. Ah! Ça va être fou. Wow! Ça se déroule ici le 1er 2-3 mars à l'université. Hey, je pense que je vais être là. Ah, tu fais bien. Non, pourri, ça. Si vous voulez le meilleur du rap, c'est sur le Big Max Show tous les mercredis de 17h à 18h sur CFOOT 89,1. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est fou. 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières et qui plus est l'émission réanimation The Undead Incorporated Show. Et ce, jusqu'à 22h. Et si c'est trop long pour vous, c'est pas grave. Ça sera quand même jusqu'à 22h. Eh oui. S'il fallait, chers auditeurs, que vous entendiez ce qui se dit hors onde. Vous feriez tous des apoplexies. Oui, et réanimation deviendrait une émission d'intérêt public. Et je dirais même plus, une émission d'interaction publique. Oui, possiblement. Hey, c'était un excellent bloc, ça, mon cher. Et toujours est-il que nous avons entendu Aeon avec l'excellente pièce de Glowing Eight du non moins excellent Aeon's Black, paru sur Metal Blade en 2012. C'est une belle découverte, ça. Ça, c'est, je suis tombé vraiment à la renverse. Ouais. C'est excellent, ça. C'est un de mes tops, là. De 2012, oui, ouais, effectivement. C'est un très, très bon album. On a eu les deux frères Machin Chouette. Les deux frères Gershwin. Les deux frères Gershwin qui étaient dans Deicide avec un band qui s'appelle Amon. En fait, Amon, ça existait avant Deicide. C'était avant Deicide, effectivement. Ça, ouais. Ils ont sorti leur premier album, Liar in Wait, en 2012. Et on vient d'entendre la pièce Eye of the Infinite. Très bon. Puis on a commencé avec la présentation du nouvel album dans je sais pas combien d'années du groupe néerlandais Centurion avec l'album Contra Rationem. Très bon album paru sur Listenable Records. On a entendu Feast of the Crust, Crown of Bones et Too Shall to Bleed for the Lord Thy God. C'était pas mal bon, j'ai bien C'est aimé très bon, ça. Très bon. Ouais. Moi j'aime bien le espèce de riffing qui vient comme en glissando. Ouais, là, c'est vraiment spécial. Quand la pièce a commencé, ça m'a fait penser un petit peu à un certain... Morbid Angel. Ouais, Trias Actor, un peu son jeu de guitare. Ouais, effectivement, j'ai bien aimé. Good, good, good, c'est bien ça. Je vais vous parler un petit peu du cinéma, à moins que tu vois une contre-indication. Non. Et maintenant? Oui. D'accord, je vais vous parler d'autre chose. D'abord, je vais vous parler de cinéma. OK. Le week-end dernier, j'ai écouté le drame historique qui porte le nom tout simplement et très évocateur de Lincoln. Donc, évidemment, on fait office ici de référence au président des États-Unis. Film qui était en nomination pour l'Oscar du meilleur film qui a été remporté par Argo. Oui, et d'ailleurs, je dois dire que je comprends pourquoi Argo a gagné. Ben, c'était comme prévisible un peu parce que durant l'année, il avait gagné un paquet d'autres prix dans d'autres. Argo est un excellent film. Ben, moi, je ne l'ai pas vu encore. Bon, c'est excellent. Il faut absolument que tu vois ça. C'est toujours en retard, bon. Moi, ça. C'est pas grave. Ben, tu vois, aujourd'hui, c'était moi qui étais en retard. Ouais, mais... Non, je ne parlais pas en retard. Ah, OK, OK. En retard sur les sorties Cinoche. Non, Argo, c'est un excellent film, Sinistros. Ça, je te le conseille religieusement. Toujours est-il que Lincoln, c'est un film qui est réalisé par le non moins célèbre Steven Spielberg. Pas lui. Oui, effectivement. Et qui met en vedette Daniel Day-Lewis, Sally Field et Tommy Lee Jones, pour ne nommer que ceux-ci. Ah. C'est évidemment un film, je le dis, un drame historique qui traite des derniers mois de mandat d'Abraham Lincoln, qui, faut le dire, est l'un des je veux dire, elle est une des figures de proue en tant que figure de proue présidentielle aux États-Unis dans toute son histoire. Il y a un des tops qu'il y a eu aussi. Je crois que c'était le 16e président ou 17e, quelque chose du genre. C'est un président qui ne l'a pas eu facile parce qu'il a été impliqué à deux mains dans le conflit d'une nation, c'est-à-dire la guerre de sécession. Il a fallu qu'il se batte avec des vampires. Puis, ah, je me suis trompé. Non, tu trompes des films. Je sais pas, je sais que toi, t'es un amateur d'histoire. Oui, généralement, oui, oui, oui. Puis je parle pas des blagues de Saint-Forien ici, là. Non. Non. Est-ce que c'est une période historique qui t'intéresse, toi? Moi, t'avoue bien franchement, tout ce qui touche les États-Unis puis l'histoire canadienne, ça m'intéresse plus ou moins. OK. Moi, je suis plus tripeux d'histoire, mettons... plus ancestrale. Plus moyenâgeuse. Ben, même avant, là, okay. Tu sais. Antiquité. Ouais, c'est ça. Okay. Je dis pas que je m'intéresserais peut-être pas à ça un jour, mais tu sais, comme la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui capotent là-dessus. Moi, ouais. Ça m'intéresse pas en tout. D'accord. Bon, tu vois, moi, la guerre de sécession, c'est un aspect d'histoire, une page des États-Unis qui est très sanglante, qui est encore très tachée, qui m'a toujours très, très, très captivé. Donc, j'étais très intéressé de voir quelle était la présentation du film sur cette phase de la vie d'Abraham Lincoln. Historiquement parlant, je dois dire que, bon, on s'entend que personne n'était là pour pouvoir prouver si c'est vraiment ce qu'il a dit, si c'est vraiment ce qu'il a fait, si c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça, c'est ce que tu commis. Penses. Mais bon, en tout cas, moi, je les connais pas, ceux qui étaient là. Moi, j'étais là. Bon, ben, toi, tais-toi, puis écoute. Selon ce que j'ai lu, les choses sont très très bien rapportées, c'est très bien reconstitué. Le jeu de Daniel Day-Lewis, qui est pas un nouveau venu en tant qu'acteur et comédien, est extraordinaire. Il incarne fabuleusement bien Abraham Lincoln. Mais c'est un film qui n'est que de longueur. Ok. Ce ne sont que des dialogues et souvent très monocordes. Il y a aucune action là-dedans, mis à part les 5 premières minutes du film. Donc, j'imagine que si tu l'écoutes en anglais, tu dois... Je l'écoute en anglais. OK, tu l'écoutes en anglais. Je l'écoute en anglais. Ça doit être assez long. C'est très long. Le film dure 2h29 minutes. Yeah. Et honnêtement, malgré le fait qu'il est excessivement bien réalisé, que les connotations historiques sont très bonnes, que l'ensemble du film est excessivement bien présenté, j'ai eu peine à le terminer. Mais par contre, je dois reconnaître, et c'est pour ça que je lui ai donné une cote de 7 sur 10 quand même, parce que tout est tellement bien documenté, tout est tellement bien apporté à l'écran que, techniquement parlant, historiquement, c'est vraiment quelque chose de bon. Mais c'est vraiment un film où le personnage d'Abraham Lincoln était réputé pour avoir une voix qui était assez monocorde avec pas beaucoup d'intonation. Donc, c'est passablement ça. OK. Et c'était en 1865, à la fin de la guerre. Donc, il n'y a pas énormément de faits saillants de ce côté-là. C'est vraiment plus lui comment il doit... être capable de mettre fin à ce conflit qui déchire une nation, finalement, de façon extraordinairement brutale. Et être capable de aussi... Mais c'est l'aspect peut-être le plus intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de choses assez bizarres qui se passent hors onde au niveau politique et ainsi de suite. On n'entrera pas dans le sujet. Mais c'est quand même de dire que le personnage aura dû se battre avec ceux avec qui, normalement, il devrait s'appuyer sur pour pouvoir gouverner. Donc, on s'entend que la dissension, là, c'est pas d'hier que ça existe. Ah non, c'est sûr. C'est un film intéressant pour les férus d'histoire, ceux qui sont amateurs, ceux qui aiment beaucoup l'histoire de cette époque américaine. Je le conseille, mais il va falloir que vous soyez assis confortablement parce que ça risque d'être long. Ce vendredi, c'est la sortie du remake Jack the Giant Slayer. J'ai vu les previews, ça a l'air assez... Ouais, ça a l'air assez capoté. Cool. Ben, c'est le remake de celui de 1962. J'ai hâte de voir s'il est à hauteur. Ça devrait être fort intéressant. Ben oui, il y a des géants, mais il devrait être à la hauteur. J'ai écouté un autre film aussi qui j'avais pas beaucoup d'attente. J'en avais beaucoup moins que j'en avais pour Lincoln. C'est un film de Mark Tondry qui s'intitule « The House at the End of the Street » et qui met en vedette Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, on l'a vu dans X-Files. X-Men, entre autres. Dans quoi qu'on l'a vu aussi? X-Men et Hunger Games, c'est elle aussi qu'il avait dit dans Hunger Games. Bon, c'était un bon film, Je me suis dit, bon, c'était un film de slasher d'ado, là, puis blablabla. Non, c'est pas ça, finalement. Okay. Non, c'est correct. Ça mérite. J'ai donné un 7 sur 10, lui aussi. C'est pas plus que ça. C'est pas un film que t'auras le goût de réécouter, mais ça te laisse passer un bon moment de cinéma, puis c'est quand même pas très, trop préformaté. Puis moi, elle, je la trouve. correct, là. T'sais, dans X-Men, c'était correct ce qu'elle faisait. C'était quand même pas elle qui avait le gros rôle, là. Mais c'est correct. Puis là-dedans, ben, il y a une petite intrigue quand même intéressante. Donc. Pas elle qui faisait le rôle de la fille qui vole les pouvoirs des autres, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, The House at the End of the Street, c'est un film correct pour si vous n'avez pas grand-chose à faire cette journée-là. Vendredi 1er mars, c'est aussi la sortie de Last Exorcism Part 2. Oh. As-tu vu le premier? Oui. C'est assez popé. Oui. Donc, le deuxième, ben, c'est la suite. C'est la petite... comment elle s'appelle déjà? Nell. Nell, qui avait accouché, semblait-il, du démon à la fin du film. Donc, c'est la suite. Bon. Je sais pas ce que ça va donner, je n'ai aucune idée, mais bon, c'est à suivre. Le film que je recommande de revoir ou de découvrir cette semaine, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est Jacob's Ladder. Oui, ça c'est très très avec bon. Tim Robbins. Avec Tim Robbins. C'est un très, excellent très bon. Film. Excellent film qui est d'Aaron Lynn, qui met en vedette Tim Robbins, Elizabeth Pena et Danny Aiello. C'est un film psycho-horreur et c'est un living nightmare. Oh, c'est très très bon. C'est très très très... C'est l'histoire de... Jacob Sayer, qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, qui est maintenant postier et qui se met à capoter, à tomber dans une forme de folie. Oh, il capote. Mais c'est vraiment pas ceux qui n'ont pas vu le film. Ça me donne le goût de le réécouter. Ah, écoute, c'est un film que je me tape généralement une fois par année parce que c'est vraiment trop hot. Si vous vous attendez à voir quelqu'un qui tombe dans une folie qui va être meurtrière, non, pas du tout. Le gars, là, il tombe en enfer. Mm. Et c'est vraiment avec des visions de cauchemar, c'est hallucinant. Moi, j'ai donné 9.5 sur 10, ce film-là, de 1990. C'est un film qui, je crois, ne se... Démode pas. Démode, c'est ça, c'est intemporel, complètement. Et Tim Robbins est vraiment admirable dans ce film-là. Ben, moi, j'en ai écouté un film, en fait. Oui. J'étais un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Un petit peu, pas tant que ça, là. J'ai écouté le nouveau James Bond, Skyfall. Oh, que c'est bon! Ben, moi, t'avoue, ben, franchement... James Bond, j'avais décroché quand quand Roger Moore a comme lâché. Déjà que Roger Moore, c'était légèrement un petit peu quétaine par moment. Moi, les Pierce Brosnan et Timothy Dalton, j'ai pas embarqué dans le game, là. Ouais, moi aussi, j'ai débarqué à partir de... Je trouvais ça trop gadget, trop ci, trop ça. Avec Daniel Craig, Casino Royale, puis l'autre dont j'ai oublié le titre. Quantum of Solace. C'est ça. Qui sont tous les deux excellents. J'ai trouvé que le nouveau Skyfall, c'est le meilleur James Bond de toute la série au grand complet, selon moi. Même que je trouve que Daniel Craig, il fait possiblement le meilleur James Bond, même qu'il surclasse, selon moi, Sean Connery. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord, nous sommes tout oui. Il fait un parfait agent britannique. Il l'a dans le sang. Garde, écoute, moi, ce que j'ai capoté de ce James Bond-là, c'est des gadgets, forget it, il n'y en a pas. Oui, effectivement. Il n'y en a pas. Là, c'est réaliste de ce que la vie d'un agent peut être sur le terrain. T'sais, tu te débrouilles avec les moyens du bord, puis on s'imagine à peu près que ça ne doit pas être tout le temps rose, la vie d'un agent secret. Là, j'ai aimé les petits clins d'œil aussi au vieux James Bond, surtout quand il va chercher la voiture. L'Aston Martin de Sean Connery. Félicitations, Bond, vous voulez passer inaperçu avec ça. Oh, ouais, c'est ça, c'est très très bon. Ou quand que Q, il donne le petit gun avec le petit radio. Ouais. Hein, tu t'attendais à quoi? Un stylo explosif, puis c'est révolu ce temps-là, les gadgets. Là. Non, moi, selon moi, Daniel Craig, puis là, ça laisse sur une note qu'il va en avoir un autre dans ses... Ah, mais écoute, à la fin du film, James Bond will return. Ben oui, c'est ça. Oui. Écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a le retour toi. De Moneypenny, c'est ça qui est cool ici. Ben, oui, disons que ça, c'est encore un clin d'œil à quelque part. Oui, c'est ça. Tu sais que Daniel Craig, selon moi, aura remis en avant-plan la franchise James Bond. Oui. Et de façon supérieure. Parce que moi non plus, je suis vraiment pas un fan de Pierce Brosnan. Je suis incapable d'écouter un film avec cet acteur-là. Je l'aime moi, pas. Moi non plus. Timothy Dalton, j'ai tout le temps trouvé, mais nul à chier. Donc, j'ai vraiment décroché des James Bond à partir, moi aussi, de Roger Moore. J'étais un fan de Sean Connery. Ça, c'est certain. Ce sont des films, des classiques, qui sont des années 60 et 70. Qui sont des classiques et qui sont excellents. Roger Moore, je l'aime bien. J'aimais Roger Moore, moi, ce que j'aimais. Mais quoi que contesté. Ben, contesté, parce que moi, c'est un petit côté, je fais des cascades, et allez hop, cascade, je me relève, pas peigné, t'sais, pas dépeigné, pas sale, rien pantoute. Ben, c'est parce que, oui, c'est ça. Roger Moore est un petit peu plus, je dirais, crooner, dans le style glamour crooner. C'est ça. Par moments, c'était un petit peu achalant, peut-être, mais j'aimais bien. Après ça, j'ai oublié ça. Quand j'ai redécouvert Casino Royale avec Daniel Craig, je me suis dit, oh, là, on a quelque chose. On a quelque chose de puissant. C'était excellent à Casino Royale. Daniel Craig, tu l'as dit, c'est vrai qu'il incarne parfaitement le type de l'agent secret britannique. Mm. C'est un acteur qui est extraordinaire. C'est un. Il y a le physique de l'emploi, carrément, pour James Bond. Il y a tout, tout, tout, tout. Le Quantum, charisme, il y a tout. Ouais. Quantum of Solace, j'ai trouvé très bon, mais beaucoup moins fort que Casino Royale. Oui, moins fort, mais. Mais avec Skyfall, j'ai dit. Le scénario est coulé dans le béton, c'est. Ah, c'est hallucinant. Et moi, minimalement, c'est certain, sans dire par contre que c'est la meilleure de toutes les de la franchise. Selon moi, c'est le meilleur de la trilogie jusqu'à présent avec Daniel Craig. C'est de loin le meilleur. Je suis content que tu aies apprécié parce que c'est vraiment un film de qualité. Oui. C'est très bien joué. Et ben ça finit mal. Puis quand même, pour une fois dans un James Bond... Ça finit mal. Puis c'est pas toujours on s'en sort puis tout va bien. Puis pour une fois, de la Bond Girl, elle t'offre pas longtemps. Ouais, effectivement. On va y aller musicalement cette fois-ci avec ma deuxième section de ce spécial Old School Trash Metal. On va débuter avec une formation suisse. En fait, on va débuter avec deux formations suisses. On va terminer avec une formation cheddar. Non, oui! Je préfère un bris. C'est plus moelleux. Oui, mais il n'est pas à température pièce. Ah, malheureusement. Voir. Débutons avec Coroner et la pièce Samtech Revolution que l'on retrouve sur l'album Mental Vortex de 1991. Dernière apparition officielle de cette formation. Ben, peut-être qu'il y en aura une. Peut-être oui, qu'il y en aura une. Ils sont formés pour des spectacles. Mm-hmm. Je ne sais pas s'ils vont rentrer en studio. Bref, allons-y. Coroner là-dedans. On va entendre aussi du Creator, du Slayer. Du Metallica. Ah, non. Et du Celtic Frost. Ah, oui. Flakes. Ah, non. Coroner, go. president was hit in the head. It's official now. The president is dead. Everybody.

L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Hey Jean-René, t'as-tu de quoi de prévu le 1er, 2, 3 mars? Ben oui, en fait, c'est la Coupe universitaire d'improvisation ici même à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK, ça consiste en... Ben en fait, c'est le plus grand rassemblement d'équipes d'improvisation francophones au Canada. Aïe aïe, OK, c'est cool. Oui, c'est cool, puis d'autant plus que cette année, c'est présidé par Barack Obama. Ben voyons donc. Oui, il va être là, puis il va arbitrer 3 matchs déguisé en poulet. Ben voyons donc. Ben oui, puis son entrée, il va rentrer sur Amazing Grace avec un jet privé qui va être conduit par Bill Gates. Ben voyons donc. Le Barack va sauter. T'es-tu sérieux? Oui, tout ça commandité par Apple. Ah! Ça va être fou. Wow! Ça se déroule ici, le 1er, 2, 3 mars, à l'université. Hey, je pense que je vais être là. Ah, tu fais bien. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. h 54, effectivement, vous êtes assez fou, plus qui plus est, en réanimation des Undead Incorporated Show. Et on vient d'entendre cette deuxième partie du Old School Trash Metal Fest. Non, spécial, ce serait plus juste. Sparful. Fest! Metallica! Non, pas de suite. Critter! Critter, la pièce de Pestilence que l'on retrouve sur le deuxième album et un album que je ne me lasserai jamais de vous faire jouer et d'écouter, Pleasure to Kill, paru en 86 sur Noise. Encore une époque où Critter commençait à avoir compris que le mot tight était important, mais il n'avait pas encore mis totalement d'application. Non. Mais c'était déjà un pas en avant par rapport à Endless Pain. Mais c'est pas pire, parce que dans le fond, c'est tout avec ce qui se dégageait de l'album. Même Endless Pain, c'était comme ça. L'overall faisait oublier que c'était pas tout à fait drift. Effectivement. Nous avions Slayer auparavant et un grand classique, Chemical Warfare, tiré du mini-album Haunting the Chapel de 1984. C'était sur Metal Blade. Ça c'était le contraire. Ça, c'était vraiment drift. Oui, ben, ça l'a encore. Ben, en tout cas, ça l'a toujours été droite. Et juste auparavant, nous avions Metallica. Hey, je me plais à dire ça. Metallica comme il s'appelle Mike Gaultier. Oh, wow. Metallica. Et la pièce For Whom the Bell Tolls. Tolls? Hein? For Whom the Bells Toll. Pour qui les belles tolls? Hein, c'est pour qui les belles tolls? Tiré du deuxième album Ride the Lightning de 84. Ben, l'avant-dernier album de Metallica, finalement. Oui, effectivement. L'avant-dernier album de Metallica. Ride the Lightning qui est paru en 84 sur Elektra. Et honnêtement, je trouve encore très bon cet album-là. Ben, les trois premiers, c'est tout. Oui, mais ça, je te dis, c'est l'avant-dernier. Ouais, je trouve qu'il a quand même bien vieilli cet album-là. Oh, oui. Il y a encore des choses fort intéressantes dessus. Vous avez un grand classique parmi les grands classiques, Celtic Frost et la pièce Circle of the Tyrant, que l'on retrouve sur un album aussi classique, To Megatherion, qui est paru en 85 sur Noise. Et nous avions, en ouverture de bloc, ceux qui étaient des collaborateurs au niveau du forçage de dos, d'épaules et de jambes pour Celtic Frost, soit Coroner, parce que c'était le road crew. Et la pièce Semtex Revolution, que l'on retrouve sur l'album Metal Vortex de 1991, étiquette Noise également. Côté spectacle, ici même dans la région, je vais encore perdre la voix, ici même dans la région trifluvienne, Extreme Prods et Grind Your Mind présentent ce samedi 1er mars. Ben là, moi, je suis certain que le premier, c'est vendredi. Oui. C'est ça, hein? Si je me trompe pas. Le premier, c'est vendredi. Le premier, c'est vendredi. Donc, est-ce que c'est samedi le 2 mars ou vendredi le 1er mars que le spectacle mettant en vedette Andy Snare, Coulter, Valfreya et Outlying aura lieu au Rockefeller State? Ben, prenez un guess. Ici, la date est samedi du 1er mars et c'est un anachronisme. C'est pas un anachronisme. C'est une erreur temporelle? Bon, une erreur de typographie, peut-être. Peut-être aussi, mais c'est pas. Fait qu'on sait pas, je peux pas vous dire si c'est le vendredi 1er mars ou samedi 2e mars. Parce qu'on marque samedi 1er mars et ce n'est pas le cas. Bref, ces formations seront au Rockefeller Stage. En fin de semaine. En fin de semaine, à 20h. C'est pour tous, ça coûtera 10$. Troisième métal présente, mon oncle Serge et les sportifs au D'Artagnan. Ici au centre-ville, sur la rue des Forges, centre-ville de Trois-Rivières, bien entendu. Vendredi le 15 mars, les portes ouvrent à 21h, le spectacle débute à 22h, c'est 18 ans et plus, ça en coûtera 15$. Grind Your Mind présente NRLR. C'est ça, hein? Ah, ça ressemble à ça pas mal. Comment tu le prononces, toi? Energer. Mais le J se prononce pas avec un. Bon, c'est pour ça, la batterie de. Ouais, mais c'est parce que. Normalement, je pense que les J se prononcent comme des Y. On leur demandera. Energer, peu importe. Formation norvégienne, Panzerfaust de Toronto, Trolleams de Trois-Rivières et Ordox de Trois-Rivières. Au Rockefeller Stage, vendredi le 22 mars. Détail à venir. Trois-Rivières Metal présente également. Strong Intention, formation américaine, Intimely Demise de Saskatoon et Retardation de Trois-Rivières au Rockefeller Stage, jeudi le 21 mars prochain. Ouverture des portes à 19h. Le spectacle est à 20h. C'est pour tous, la coûte 10$. Oh, Trois-Rivières Metal présente encore Ordox, lancement Nihil, lancement de l'album Nihil, j'imagine. Album qu'on présente tantôt. D'accord. Cryptic Hauling de Wayne Aranda, Soul of Ignorance de Trois-Rivières, Rockefeller Stage, samedi le 30 mars, ouverture des portes à 19h, spectacle est à 20h, c'est pour tous, c'est un coût de 10$. Extreme Prods présente, Bernard Fini là-dessus. 101 Proof, Montreal's Pantera Tribute. La formation Self-Collapse, Satan Glue Sniffer et Undead Process au Rockefeller Stage, vendredi le 12 avril, spectacle à 20h, c'est pour tous, au coût de 10$. Et Trois-Rivières Metal présente finalement. Spectacle au Sinistro, c'est là certainement. Ah, ça, je suis très content. Arcona, formation russe. Valfreya de Montréal et groupe invité au Rockefeller Stage, dimanche le 28 avril. Ouverture des portes à 19h, spectacle est à 20h. Il en coûtera 15$ et c'est pour tous. Je reviendrai avec ceux de BCI un peu plus tard. Si tu as le temps. Je devrais le trouver. OK, d'abord. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, un bon petit bloc de ZF Metal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du zest metal. Ah, du zest? Du zest metal. OK, c'est du métal très... d'agrumes. Oui, c'est ça. OK. On va avoir du Bloodbath, Body Farm, Cold Worker, du Jungle Rot et du Hypnos. Ça risque de brasser juste un petit peu. A little bit. Alors, allons-y tout de suite avec Michael Larkefeld au vocal, Bloodbath avec Mark the Cross. Go! Thank you. le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Parmesan pas. Ça l'est, bonne. Parmesan pas. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des best-of de C'est Fou, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que c'est chez l'homme, c'est le symbole de la virilité et tout ça, tu sais. Et de l'intelligence. Ouais. Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des best-of de C'est Fou, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Cette année encore, les soirées cachées C'est Fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est Fou ou synthonisez le 89.1. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est Fou 89 ans. C'est toujours à l'antenne de réanimation, et ce jusqu'à 22h. Que vient-on d'entendre, cher Gobelin? Eh, hey, on vient d'entendre Jungle Rot avec State of War, tiré de l'album What Horrors Awaits de 2009. Jungle Rot qui sont en promotion pour la sortie du nouvel album Terror Regime qui sortira le 19 mars. J'ai bien hâte d'entendre ça. Ils seront en tournée avec Suffocation, justement, tournée nord-américaine. Oui, ça s'arrêtera le 27 avril à Montréal. On a eu Cold Worker avec The Glass Envelope, tiré de Doomsayer's Calls de 2012 sur Listenable Records. Body Farm de Butcher sur l'album Malevolence, également de 2012 sur Cyclone Empire. Et Bloodbath avec Mark the Cross, tiré de Fathomless Mastery de 2008 sur Peaceville Records. Excellent. Dimanche le 17 mars prochain, au Café Campus, c'est Soilwork, Jeff Loomis, Blackguard, Bonded by Blood et Hatchet. C'est à 18h10, ça coûtera $20 et $25, taxes incluses via admission, billets VIP à 17h au coût de $55, taxes incluses. Udo, accompagné de Alchin Way et Potion 13, seront le vendredi 12 avril prochain à 19h au Fofones Électriques, au coût de $25 et $30, taxes incluses via admission. Pagan Fest, America Park, pardon, Four, mettant la bête en vedette, Anciferum, Tor, Idvolk, Trollfest et Elsat, jeudi le 18 avril prochain, 19h, au Métropolis, au coût de 30 et 43, 34 et 78, plus taxes. C'est pour tous via Ticketmaster. Catatonia et groupe invité, jeudi le 25 avril à 20h au Café Campus, $20 et $25, taxes incluses via admission. Suffocation, comme il vient de le dire, Exhume, Jungle Rot, Rings of Saturn et Adimiran, le 27 avril au Club Soda, 19h, au coût de $25 et $22, 30 et 43 plus taxes, et pour tous, Club Soda Box Office. Et le samedi 1er juin, c'est Decibel Magazine Tour 2013, Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation, Beyond Creation. C'est au Club Soda, à 19h, le 1er juin, au coût de $25 et $22, et 30 et 43 plus taxes, et pour tous, la billetterie du Club Soda. Sans plus attendre, nous allons continuer avec ma dernière paire, programmation de ce spécial Trash, Old School Trash Metal. Et débutons tout de suite avec quelque chose qui, effectivement, ne fait pas partie, mais vraiment pas du tout des groupes que j'aime, mais pas du tout, mis à part principalement cet album-là. Megadeth. Fire is burning in those eyes. Mine is psychotic and they all their eyes. Destruction. Et la pièce Mad Butcher, qu'on retrouve sur le Mad Butcher Hippie, qui est paru en 1987 sur SPV. On s'entend-tu que cette version-là n'est pas très reluisante, n'est-ce pas? Ben, c'est Destruction. Ben, la vraie version sur Sentence of Death, c'est pas mal mieux que ça. Là. Ben, elle n'est pas très différente, celle-là. C'est rien que la finale qui change. Ben, pas la finale, c'est bien. Ben non, c'est la Panthère Rose. Ben oui, mais ça fait de pause. Pas... Oh, t'aimes rien, toi. Ben, c'est. Ben, oui. Hallows Eve, juste avant, et ça, c'est une formation assez underdog, je dois dire, et relativement obscure, qui existe encore. Dernier album paru en 2008, je crois. Voilà. Ça, c'était le premier album qui porte le nom de Tales of Terror, qui est paru en 1985. Avec une pochette de... très poche. Très poche. Oui. La pièce étant Plunging to Megadeth, la pièce d'ouverture de cet album. Moi, je trouve la pièce très bonne, Plunging to Megadeth. Le reste de l'album, Myrtle Merchant, c'est correct, mais je dis bon... ça rappelle quelques bons souvenirs, sans plus. Mais cette pièce-là, je l'aime bien. Nuclear Assault avec l'excellente pièce Sin que l'on retrouve sur le très bon album Game Over de 86. Étiquette Combat Record est probablement le meilleur album que Nuclear Assault ont fait. Je dois dire que la formation existe toujours, mais c'est pas très reluisant ce qu'ils font. Et John Connolly n'a vraiment plus de voix, qui en avait déjà pas énormément. Là. Non, c'est ça. Nous avons ouvert avec Megadeth et la pièce Last Rite, Love to Death, que l'on retrouve sur le premier album Killing is My Business. Qui est le meilleur album de Megadeth. And Business is Good, que pour moi aussi qui est le meilleur album de 85, tiré de Loud Record. 21h42, je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous présenterai une nouvelle pièce de Meshuggah qui est tirée du Pitch Black Hippie, la pièce titre, effectivement, et d'autres facéties que je trouverai ici et là au cours de mes excursions de la semaine et du week-end. C'est à toi qui incombe de clôturer cette édition de réanimation et avec quoi tu le feras? Bien, on va présenter l'album d'une formation presque trifluvienne, en fin de compte. Ordox, qui met en vedette Jean-François Jalbert de Ex-Lord Vane, Samuel Landry de Horror Fiction, et Steve de Cotteret, ex-Strait Empire. Qui donne un black metal très cru, parfois mélodique, parfois assez coupé au couteau, puis assez. C'est assez intéressant comme black metal. D'accord. Vois, c'est assez pas gentil. Là, d'accord. Fait qu'on va entendre sur Ordox avec l'album Nihil. On va entendre trois pièces, la 2, la 3 et la 4, qui s'intitule Grim, Au-delà des cieux et By the Hands of Evil. Go. Let's go. Yeah. 21h52, et évidemment, c'est comme une grande formation, on l'a déjà dit, this is the last ride. Not the last ride? Yes. C'est le dernier de rite. C'est cela. Et non, aussi rite peut-être. Hein? Oh, mais j'aime mieux le dernier de rite. Okay, last ride. Donc, ce qu'on vient d'entendre à l'instant, selon toi? Selon moi, je m'en souviens plus. Formation moitié nicolétaine, sainte-moniquienne et trifluvienne, orthodoxe, avec les pièces Au-delà des cieux et Grimm, tirées de l'album Nihil, qui est à paraître le 30 mars prochain. Ça vont faire ça en grande pompe au Rockefeller Stage avec Cryptic Calling puis Soil of Ignorance, je pense. Effectivement, tout à fait. C'est alors, le 30 mars, oui. On va terminer avec la quatrième pièce de l'album, pardon, By the Ends of Evil. Alors, sur ce... OK. Attends, j'ai-tu oublié de quoi, moi, là? Je sais pas. Non, j'ai rien oublié. Ben, la semaine prochaine, on devrait être là. Ben, ça sera supposé. Supposé. Hey, la semaine prochaine, on vous présente un nouvel album de Dark Throne. Bon, j'ai hâte d'entendre ça, moi. Ouais, c'est pas pire. OK, je suis curieux de l'entendre. Puis comme je vous disais, moi, la pièce inédite de... Mais Sugar Pitch Black, puis j'aurai probablement quelques... Je pense pas faire de spécial particulier la semaine prochaine, donc ça va être encore des affaires pas écoutables. Je vais dire comme Jeff, à l'emporte-pièce. Ah ben, il y a l'emporte-pièce. Oui, c'est ouais. Exact. Mais bon. Ne pas manquer l'album de Rotting Christ qui sort incessamment... Rotting Christ, c'est exactement le 5 mars. Ben, c'est cela. C'est le. Ben, c'est mardi prochain. J'ai cru lire rapidement qu'il y aura une pièce bonus sur l'album. Je sais pas la version de quel pays ou de quoi. Le titre, c'est Welcome to Hell. Est-ce que c'est une reprise de Venom? Ça sera à voir, je ne sais pas. Curieusement, nous le serons possiblement mardi prochain. C'est et à voir. Oui. Donc, sur ce, à la semaine prochaine. Et allez tous vous faire foutre. C'est bien cela. By the Hands of Evil Orthodox. Go. Whispers risen, I am constantly.